Faudrait pas m'écouter la vie. Non, non. Zone pour gagner au bébé, 4 je suis là, au camion pour masse. Sortez, vous gênez nos bébés, je joue gagner là, ça change de temps. Je t'ai vu passer comme une comète, j'ai pas su tenir toutes mes promesses. Personne dit que toi n'as pas de quand même, je savais mais je l'ai fait quand même. Te dis pas libre, les bras, et veillez ton portu, on fait ça mal pour vous changer. Si le tout tape à ta porte, only you, only me.